et ça fait bang, bang, bang. Le mental est sauvage, je mets un foin et ça fait bang, bang, bang. À un moment ça cavale et ça vit ta vie et ça fait bang. Lui-même fait des erreurs, j'embrasse la tête à sauce. La rose est pleine d'épines, à pas de commenter Yama. Le game se baise à cette fête d'ombre à l'Himalaya. Des couples à la mêle, mêle, pousse de moula. La seule qui tourne obligée de la retourner. Qui va me donner, qui va me redonner l'envie. Venu par la rue, la F est crouée. Dernier pet, refais les contours. Nique le game, j'irai pas le choix. Ça sera sans toi. Nique ton rappeur la pute, bon on parle de toi. Pour les stagiaires armés, j'espère trouver la voie. Putain, putain, putain, ouais tu croyais quoi. Derrière la fufu, toujours une couvreuse. De mon cardio, elle est amoureuse. J'vois la terre, j'suis devant l'ouvreuse. Y'aura toujours des vendeurs de bœufs. Le mental est sauvage, je mets froid et ça fait bang, bang, bang. À un moment ça cavale et t'as vu ta vie et ça fait bang, bang, bang. Le mental est sauvage, je mets froid et ça fait bang, bang, bang. À un moment ça cavale et t'as vu ta vie et ça fait bang, bang, bang. Le mental est sauvage, je mets froid et ça fait bang, bang, bang. À un moment ça cavale et t'as vu ta vie et ça fait bang, bang, bang. Le mental est sauvage, je mets un foie et ça fait bang, bang, bang. À un moment t'as cavalé, t'as vu ta vie et ça fait bang. Je vais le montrer ton talent des légendes. Le game est mort pour tout, je vais le reprendre. Le majeur te brûle, loin sur la détente. La montagne est rude, je vais monter la pente. Yoma est là, pas de babab. T'entends le bruit, ouais des babab. On verra qui a dans le drap. Y'aura des hommes et des ratatas. Le but ouvrier, ennemi allié. Y'a toutes ces planètes qui vont s'aligner. Ton talent est, ouais c'est ça l'idée. La rue appelle la rue, faudra assumer. Y'a la F, t'es pour mettre avant d'arcy. Un petit au bon char, il peut t'enlever la vie. Y'a que ta famille, y'aura pas tes amis. On prend le monde, tu veux mon avis. Le mental est sauvage, je mets froid et ça fait bang, bang, bang. À un moment ça cavale et t'as vu ta vie et ça fait bang, bang, bang. Le mental est sauvage, je mets froid et ça fait bang, bang, bang. À un moment ça cavale et t'as vu ta vie et ça fait bang, bang, bang. Le mental est sauvage, je mets froid et ça fait bang, bang, bang. À un moment ça cavale et t'as vu ta vie et ça fait bang, bang, bang. Le mental est sauvage, je mets un foie et ça fait bang, bang, bang. À un moment t'as cavalé, t'as vu ta vie et ça fait bang, bang, bang.